maman Gandere, oui. Il a mené ma maman Gawaye. La vie des bois de nuit, ce n'est pas bien au chaki. La vie des bois. mademoiselle, tu marches. Je te répète, tu marches, wayou, wayou. Georges Kamba, tu vas me tuer. Salut, bébé, Alexis.